Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, rediffusion. La révolution n'est pas un dîner de gala. La radicalisation de l'extrême gauche après 68. Une série de Christelle Le Polothek, réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a ce confinement qui laisse nos oreilles plus disponibles et l'envie de proposer des écoutes utiles aux bacheliers. Aujourd'hui, on raconte comment 68 a généré des mouvements armés où la violence ensuite a pris toute la place. Alors pour commencer, les personnages. Des étudiants armés de bambou, des femmes déterminées, des cinéastes devenus terroristes, un politicien otage, des repentis, d'autres qui ne le sont pas, des assassins et des militants qui s'entretuent. Ensuite, le décor. La rue des boutiques obscures, des camps, des chalets, du sable, un coffre de voiture, l'odeur de la poudre, un attentat kamikaze et le Liban. Aujourd'hui, troisième épisode, ça dégénère à Tokyo. Qu'est-ce que la propagande ? C'est ici et maintenant. On peut définir le fait que le peuple combattant raconte le vrai sens de la lutte dans son vrai langage. Mais à qui et comment cela est raconté? Le soldat du Front populaire de libération de la Palestine définit sa stratégie de propagande comme suit. Comment on réalise l'activité de propagande? La leçon que l'on a tirée de ces 5 ans est simple. La propagande est autrement dit l'information. Et l'information est de transmettre la vérité. De plus, la meilleure forme de la vérité est la lutte armée. Ainsi, nous croyons que c'est la lutte armée qui est la meilleure forme de la propagande. Un élément important du mouvement d'étudiants au Japon, c'est l'affrontement de plusieurs sections très puissantes. Donc, on s'est mis à s'entretuer. Quand vous dites s'entretuer, Makoto Asahi, c'est pas au sens figuré, c'est-à-dire que vous... Non, non, il y a des assassinats. Entre les gens très proches idéologiquement, ce sont des camarades. Et alors, pourquoi ces factions? Parce que derrière, il y a la théorie. Et donc, c'était la lutte idéologique derrière. Donc, c'était des combats avec les lances de bambou, bâton de Gebhardt. On peut tuer avec le bâton. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala. Troisième partie, les années de plomb, Japon, Allemagne, Italie. À la suite des désordres sans précédent de ces jours derniers, la police a déclenché sur tout le territoire une chasse aux chefs des étudiants. L'interrogatoire des 631 étudiants appréhendés lors des troubles a été intensifié. 7000 policiers gardent aujourd'hui la large avenue menant du campus de l'université de Tokyo à celui de l'université de Chuo. À Tokyo, 2000 étudiants ont été vus manifestant sur cette même route. Ils ont été arrêtés et dispersés. Et la même année, un étudiant a été assassiné dans la salle de Kakumaru, de la faculté de lettres de Waseda, d'une manière atroce. C'est vraiment plein de blessures là, c'est incroyable. À Kyoto, même atmosphère, 163 étudiants ont été blessés aujourd'hui, mais cette fois au cours de rixes entre factions rivales. 6 mois après, à l'université de Waseda, Kakubaru déjà ont senti le danger d'être attaqués à cause de cette bêtise. Donc, se sont unis pour attaquer là. Grand rassemblement de tous les Kakumaru du Japon entier. Là, j'ai assisté. Plein d'ennemis étudiants d'autres factions. Et puis, ils ont été battus dans cette guerre de Gebhardt. 3 mois après, Kakumaru a fait le contre-attaque. Donc c'est très militaire ce que vous dites. Oui. Il a attaqué le siège de Kairora et puis contre-attaque de Kairora. Cette fois, Kairora a tué 2 étudiants Kakumaru. Vous voyez, c'est le vrai assassinat. Quelle tristesse. C'est sur les décombres du mouvement étudiant que va naître l'armée rouge japonaise. Ses membres sont des étudiants, des cinéastes. Comme leurs homologues européens, ils ont lu les livres de Frantz Fanon et l'école de Francfort. Ils ont vu les films de la Nouvelle Vague et s'inspirent des Tupamaros pour développer leur théorie de la guérilla. Mais très vite, ils vont se démarquer par la violence mortifère de leurs actions. Adeptes des détournements d'avions et précurseurs du terrorisme international, l'armée rouge japonaise est à l'origine du premier attentat kamikaze, en 72, ce qui lui a valu les félicitations du colonel Kadhafi. Officiellement, le groupe a été dissous en 2001 lors de l'arrestation de sa leader incontestée, Fusaku Shigenobu. Michael Prazan, documentariste et auteur, revient sur la genèse de cette nébuleuse complexe et ultra-violente. L'échec de ce qui se passe à l'université du Japon, à Todai, va être véritablement un coup de massue pour les étudiants qui sont très investis dans la lutte, qui ont pour ambition de changer la société japonaise, qui ont pour ambition de faire une révolution socialiste au Japon. Et à partir de là, à partir de cet échec-là, les mouvements qui n'ont pas abandonné la lutte vont entrer en clandestinité et chercher à changer les choses par des voies moins conventionnelles, c'est-à-dire par la violence, la clandestinité, et certainement aussi encouragés par l'imitation de ce qu'ils peuvent observer dans d'autres situations, dans d'autres pays du monde. Et donc à l'origine, à partir de 69, on a la création, plus ou moins officielle, mais en tout cas clandestine, de la fraction armée rouge, le Sekigunha. Mais la répression policière qui est déjà en marche de manière assez violente et efficace va s'abattre sur eux très rapidement. Et donc les leaders de ces premiers groupes, la fraction armée rouge, qui sont des élèves assez brillants, qui sont plutôt des étudiants de très bonnes universités, notamment il y a des étudiants de Todai aussi, des étudiants qui sont assez bien quand même cortiqués politiquement. On a un peu des profils, si vous voulez, de ce qu'on pouvait voir dans l'entourage de Ulrike Meinhof, par exemple, donc des intellectuels. Et ces leaders, qui étaient des leaders certes radicaux, mais intelligents et éclairés, vont tous se retrouver en prison assez rapidement. Et mécaniquement, c'est les seconds couteaux qui vont prendre la place. Et de ce point de vue-là, le leadership va revenir à deux personnages. L'un qui est une jeune femme, qui s'appelle Yoko Nagata, qui dirigeait elle-même son propre groupe, qui s'appelle le Keihinampo Kyoto, et qui va s'allier avec ce qui reste de l'armée rouge, qui va prendre le nom de Rengo Sekigun, qui veut dire l'armée rouge unifiée. Mais dans le temps où se passe ce regroupement, dont l'objectif très clair, c'est de créer les conditions d'une révolution communiste au Japon, ce qui reste de matière grise, si on peut dire, dans l'armée rouge, et qui est davantage intéressé par l'un des grands idéaux à l'époque au Japon en vigueur, qui est l'idéal d'une révolution mondiale, c'est-à-dire des internationalistes, eux vont prendre le maquis. Donc il va y avoir un fractionnement supplémentaire au sein de ce groupe. Et c'est ce groupe-là, sous l'influence d'ailleurs d'un certain nombre de cinéastes un peu plus âgés, un peu plus anarchistes, c'est ce groupe-là qui va devenir l'armée rouge japonaise et qui va, à partir de 70, pour la plupart, pour les plus actifs d'entre eux, quitter le Japon, déjà parce qu'ils sont recherchés par la police, et ensuite s'implanter sur d'autres territoires. Et les autres territoires, en l'occurrence, ce sera le FPLP, de Georges Abache au Liban. La fusillade s'est produite soudainement dans un quartier de logement secondaire à Karuizawa. Les malfaiteurs qui ont tiré sur des policiers se sont enfuis dans la montagne. Ce sont des membres de l'armée rouge unifiée. Traqués, ils se sont retranchés dans un chalet dans lequel ils sont entrés par hasard et ont pris la femme du gardien en otage. Mars 1972, siège d'un chalet au nord de Tokyo. Jamais sans doute des jeunes gens ne sont allés aussi loin. L'armée rouge unifiée, le groupe de l'étoile rouge, ce sont les noms de ces groupuscules révolutionnaires japonais. On retrouvera 14 cadavres mutilés, parmi eux une jeune fille enceinte, exécutée parce qu'elle pensait plus à sa grossesse qu'à la révolution. Bon, alors la purge des chalets de Nagano, c'est l'histoire vraiment d'une dérive et d'une violence inouïe. On a un petit groupe, une trentaine de militants de l'armée rouge qui vont s'établir dans des chalets de la région de Nagano qui vont être transformés en camps d'entraînement militaire, si on veut, dans le but de préparer et de fomenter une révolution communiste, maoïste, sur le territoire national. Et je vous l'avais dit tout à l'heure, ce groupe-là, l'Armée Rouge unifiée, a été composé à partir de membres un peu en déshérence, leur leader ayant été arrêté et puis incarcéré, et d'une autre faction maoïste, le Keihinampo Kyoto, dirigé par une jeune femme, Yoko Nagata, qui vraisemblablement n'était pas très bien dans sa peau, et va s'installer à la tête de ce groupe de l'Armée Rouge Unifiée, donc un groupe composite, une forme de rivalité entre Tsuneo Mori, issu de l'Armée Rouge, et Yoko Nagata, leader de l'Armée Rouge Unifiée. Et chacun va vouloir être dans une espèce de surenchère, de pureté révolutionnaire. Et donc, les militants vont être soumis à un certain nombre d'épreuves terribles. Et ces épreuves, pour prouver leur fanatisme, vont déboucher sur des séances de torture, des séances d'autocritique à l'imitation de l'autocritique maoïste. Mais tout ça va dégénérer dans des séances de torture atroces et puis de crimes sauvages. Et lorsque, cerné par la police, ce petit groupe à la fois survivant et criminel, puisque tout le monde y a pris part d'une certaine manière, mais chacun pouvait penser qu'il serait la prochaine victime aussi. Donc on est vraiment dans une pièce de théâtre terrible, une espèce de confinement comme ça, horrible. Il va y avoir une dernière échappée de 4 ou 5 membres qui parvient à se faufiler entre les barrages policiers et puis prendre en otage une maison, en tout cas la concierge qui était aussi dans cette maison, d'un chalet qui s'appelle Asama, et ça c'est un nom qui reste encore très célèbre au Japon, parce que c'est quelque chose qui a vraiment considérablement marqué la société japonaise. Rapidement, ce pauvre petit chalet de montagne est cerné par un nombre de kidotai, c'est-à-dire de CRS incroyable, et là NHK plante ses caméras, et je ne sais plus combien de temps va durer, mais plusieurs jours, peut-être même une semaine, cette prise d'otage, elle va être filmée, c'est sans doute la première fois au Japon, en continu, en live, et tous les Japonais vont être scotchés devant la télé à regarder ce qui se passe. Finalement, la police va essuyer d'ailleurs plusieurs morts dans différentes tentatives d'assaut du chalet. Je crois qu'il y aura 2 morts parmi les forces de police. Et puis, un jeune gars qui voulait tenter un acte héroïque qui va se prendre une balle dans la tête. Et finalement, les policiers, incapables de venir à bout de cette résistance, de 3 gugus armés, et mal armés d'ailleurs, à l'intérieur de ce chalet, en dernier recours, vont littéralement détruire la maison avec une grue de chantier, des images très impressionnantes, pour évacuer les derniers militants retranchés. Et donc tout ça a été vu par toute la population japonaise qui en a été absolument sidérée, horrifiée. C'était spectaculaire, hein, donc moi je n'ai pas tout de suite compris qu'est-ce qui s'est passé, mais le choc est venu après. On a découvert ce qui s'est passé, c'était atroce. Le cadavre, ils se sont entretués, le même groupe, même camarade. Voilà, pur jeu, à la manière de pire stalinisme. Entre eux, l'histoire du mouvement d'étudiants au Japon connaît cette tragédie. Quel dommage. Ça aurait pu être différemment, le mouvement, le courant, hein, après. Tandis que là, à cause de cet événement, ça a dénaturé le mouvement d'étudiants. Là, c'était une des causes, à mon avis, de détachement de peuple. Le peuple japonais a lâché le mouvement d'étudiants. J'en ai marre. Mouvement d'étudiants contestataires japonais, ont été coupés du peuple. Donc isolement. À cause de l'isolement, ce qui s'est passé après, c'est l'affrontement entre les factions. Et une radicalisation. Oui, radicalisation, ça continue. Fusako Shigenobu, qui est déjà au Liban, assiste médusé à la télé à l'échec patent de la révolution japonaise qui échoue dans ce massacre interne dans les chalets de montagne de Nagano. Lorsqu'elle voit les assassinats, les tortures, les 14 corps qu'on découvre dans des fosses, des bois avoisinants, et l'horreur que ça provoque dans la société japonaise, elle se dit « on peut pas en rester là ». Et il faut faire renaître le nom de l'armée rouge, montrer d'une part que nous ne sommes pas morts, et montrer d'autre part que voilà, nous avons pris sur d'autres territoires la tête d'une lutte mondialisée. Et c'est à partir de là qu'elle va essayer de concevoir l'attentat le plus difficile qui soit, un attentat qui va marquer les esprits, et pas seulement les voisins du Liban, mais le monde entier. Et pour ça, il faut montrer la détermination des combattants de l'armée rouge et donc montrer qu'on est capable de se sacrifier pour la cause que l'on défend. C'est la raison pour laquelle l'opération va être conçue, pour la première fois certainement, comme une opération suicide où aucun des combattants ne devra rester en vie après qu'il l'ait perpétré. Je crois qu'on me fait signe car... Ah, peut-être. Peut-être avons-nous Jérusalem. André Semama, vous êtes en ligne. Oui, en effet, Chabot, il y a une nouvelle très grave qui vient de me parvenir. Un commando de terroristes, bien entendu encore non identifié, a réussi à pénétrer il y a quelques instants seulement dans la salle d'attente de l'aéroport international de Lod, près de Tel Aviv, et a lancé quelques grenades au milieu de la foule. Selon un témoin oculaire, on compte déjà au moins 5 tués et plusieurs blessés. Je manque de précision. Lorsque les passagers des avions attendent leur bagage à l'aéroport, les Japonais ouvrent des valises, en sortent des armes automatiques et canardent la foule aveuglément. L'armée rouge le fait au nom du FPLP qui revendiquera l'attentat, mais elle est le seul à le concevoir et à le perpétrer. C'est un attentat qui va être vraiment un coup de tonnerre dans l'époque. On passe de l'euphorie des années 60 à la dureté des années 70 dans cet attentat. Encore du sang au Proche-Orient, terrorisme aveugle hier soir à Tel Aviv. C'est l'attentat le plus grave jamais commis en Israël et en même temps le plus étrange compte tenu de la nationalité des exécutants, des Japonais, on vous l'a dit. L'un des trois terroristes a été tué accidentellement par ses complices, un autre, voyant qu'il était sur le point d'être pris, s'est suicidé en se jetant sur une grenade qui l'a fait exploser, et le troisième a été fait prisonnier. Les auteurs de l'attentat sont membres d'une organisation japonaise d'extrême-gauche, l'Armée Rouge Unifiée. On pense qu'ils ont agi selon les instructions du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, dirigé par le docteur Georges Abbasch, qui a revendiqué la responsabilité de l'attentat. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Michael Prazan, sur cette branche donc, de l'Armée Rouge qui s'est implantée au Liban. Ça, c'est absolument incroyable parce que... Ils vont avoir finalement un rôle fondamental dans l'histoire du terrorisme international, puisque ce sont les premiers qui vont commettre un attentat kamikaze, et puis ils vont commettre toute une série de détournements d'avions tout au long des années 70. Ils ont une importance finalement centrale dans cette histoire-là. Ah oui, bien sûr, ils ont quasiment inventé ce qu'on a appelé le terrorisme international. Ils sont précurseurs de ce point de vue-là, mais avec alors à la fois les ressemblances avec d'autres groupes qu'ils vont d'ailleurs côtoyer dans les camps de la vallée de la Beka au Liban, comme les cellules révolutionnaires allemandes et d'autres. Il y a des points communs, c'est sûr, et en même temps il y a une spécificité pour le coup typiquement japonaise. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils gardent leur particularisme et leur côté fanatique et jusqu'au boutiste. C'est pour ça que véritablement, la stupéfaction va venir de l'attentat de Lod en mai 72, où le monde découvre en réalité l'armée rouge japonaise et découvre des gens qui sont capables de mourir pour une cause qui d'ailleurs n'est même pas la leur. « 28 mai 1971, 20h40. Koji Wakamatsu et Masao Adachi arrivent à Beyrouth. Achat de visa d'une semaine à l'aéroport. Installation avec le matériel de tournage au New Amra Hotel, recommandé par Fusako Shigenobu, étudiante à Beyrouth. 29 mai, 11h30. Visite de Fusako Shigenobu. Elle paraît plus en forme que je ne l'imaginais. Elle nous raconte que depuis le mois de mars, après que des nouvelles scandaleuses diffusées par les magazines et les journaux japonais sont arrivées jusqu'aux oreilles du service de renseignement du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, le prestige des soldats de l'armée rouge japonaise s'est trouvé émoussé. Elle a bien du mal à obtenir des renseignements et à se justifier auprès d'eux. J'évite de l'interroger sur ses activités politiques quotidiennes. Nous enregistrons seulement ses paroles concernant l'action à mener. Masao Adachi. Le but de notre venue ici, la vague du sang du monde entier de la guerre révolutionnaire sous sa forme de stratégie révolutionnaire mondiale est au stade de la confrontation. Par la suite de la lutte par le détournement d'avions de l'année dernière, je pense que notre organisation aura prouvé que l'on peut guider la vague de la guerre révolutionnaire mondiale que par la militance. Oui, alors Fusako Shigenobu est un personnage tout à fait passionnant, qui a beaucoup de charisme, qui va s'imposer dans un milieu quand même très machiste encore, hein, surtout celui de l'armée rouge japonaise, qui a une tendance plus trotskiste que maoïste. La tendance maoïste, elle est incarnée par Yoko Nagata et le Keinampo Kyoto. C'est une jeune femme convaincue, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une passionnariat, elle est extrêmement politisée. Elle a sans doute été, comme beaucoup de jeunes femmes au Japon à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, entraîneuse de bar. C'est une communiste passionnée qui va prendre un exemple à la fois très ambigu, à l'inverse de l'engagement de son père. Son père était lui-même membre d'une secte politique avant-guerre, mais de tendance bouddhisto-fasciste. Ça semble bizarre, mais ça a existé, et ça existe encore au Japon. Donc extrêmement nationaliste. Ça s'appelait la Ligue des Frères de Sang. Et qui va d'ailleurs perpétrer au Japon un certain nombre d'attentats terroristes. Donc son père est lui-même issu de la violence révolutionnaire terroriste, mais à l'extrême inverse de l'échiquier politique que celui de sa fille. Mais pour autant, il va lui donner un certain nombre de conseils, notamment un certain nombre de préceptes sur la violence politique, sur comment faire un attentat marquant, comment tuer le plus de monde possible, qui auront évidemment un impact sur elle et sur ses actions. Et de ce que j'en sais, en tout cas, Fusako Shigenobu impressionne partout où elle passe. Déjà, c'est une fille qui est assez belle, qui est très élégante. Réellement, avec qui on partage la pensée de l'armée rouge dans sa lutte réelle, on le voit que par intermédiaire des journaux bourgeois. D'abord, notre lutte est montrée seulement sous la forme factuelle. Ensuite, c'est le FPLP qui hérite réellement de la vague qu'on a accomplie par le détournement d'avions. On peut dire la même chose pour les autres, comme Tsupamaros ou Black Panther. En fait, depuis que je suis ici, ce que je ressens est que peut-être on ne voit que le monde que du point de vue national, ce qui est aussi le problème d'épistémologie de nouvelle gauche, je pense. 30 mai. Transfert vers un appartement meublé dans le même immeuble que Mademoiselle Shigenobu. Sommes allés dans un souk, qui se prévaut d'être le plus vaste et le plus achalandé de tout le Moyen-Orient. Nous avons demandé pour la première fois à prendre contact avec le seul organe public du FPLP, l'hebdomadaire Al-Hadaf. Ce sont des cinéastes indépendants, subversifs, qu'on va appeler les cinéastes pink. Pour beaucoup, ils ont été formés politiquement dans le trotskisme, mais ils ont des tendances anarchistes prononcées, et ils ont pour ambition, d'un point de vue culturel, de dynamiter la société japonaise. Tous ces carcans, que ce soit le carcan du travail, de la sexualité, des rapports hommes-femmes, etc. Et bon, ils ont beaucoup de mal à financer et à réaliser leurs films. Et à la fin des années 50, il y a une petite boîte de production qui s'appelle Nikatsu, qui a pour ambition de faire des films érotiques ou pornographiques, qui va leur ouvrir leurs portes. Déjà parce qu'ils cherchent des réalisateurs, il n'y en a pas tant que ça. Et évidemment, ces réalisateurs politiques, subversifs, ils voient une opportunité et Nikatsu leur dit, écoutez, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez pourvu que vous glissiez dans vos films quelques séquences de nu ou de sexualité. Et ces cinéastes politisés, subversifs, vont vraiment se jeter dans cette brèche et faire des films qui sont des ovnis cinématographiques. Certains, les premiers, sont plutôt bien construits, il y a un souci de réalisation, mais très vite, c'est des films qu'on va fabriquer en une journée, avec voilà des séquences érotiques ou un peu porno. Alors on a de l'encouragement au terrorisme, on a des discours politiques, et puis une minute après, une scène un peu osée. Enfin, tout ça donne des œuvres totalement des ovnis, hein, et qui vont véritablement devenir des étendards de la jeunesse subversive japonaise à l'époque. Donc il va y avoir une vraie synergie entre ces œuvres atypiques, si l'on peut dire, les réalisateurs qui les font, et une partie la plus radicale du mouvement étudiant qui conçoit au fond l'art et le cinéma comme des cocktails Molotov. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort dans cette association-là. Le mouvement étudiant n'aura pas réussi à embarquer les ouvriers, mais en tout cas, il va réussir à agréger et à trouver le parrainage de ces cinéastes. Et eux, qui sont très au fait des situations internationales, qui s'intéressent beaucoup au mouvement révolutionnaire de par le monde, qui s'intéressent notamment via leur amour de la culture française, de la culture de la Nouvelle Vague, tout ça va les amener à considérer la situation palestinienne. Et là, il y a évidemment de leur part beaucoup de naïveté, hein. Ils pensent que Israël, c'est le fer de lance du capitalisme mondial, et que dès lors qu'on renverse Israël, eh bien, on abat le capitalisme. Tout ça entre dans un sens un peu de propagande interne, et donc, d'une certaine manière, aider les Palestiniens, intégrer leur lutte, c'est aussi lutter contre le capitalisme. Voilà un peu la grille de lecture qui sous-tend tout ça. Ces cinéastes vont suivre ce groupe de l'Armée Rouge avec la volonté, un peu à l'imitation de ce qu'avait fait Godard d'ailleurs, de faire un film de propagande, un film documentaire en faveur des Palestiniens et de la lutte des Palestiniens. Ce film va s'intituler Armée Rouge Japonaise FPLP, Déclaration de guerre mondiale 1971, avec la volonté d'ailleurs de le présenter au Festival de Cannes. Les deux cinéastes, Masao Adachi et Koji Wakamatsu, qui le produit, vont réaliser ce film, aller ensuite à Cannes pour le présenter, et directement, sans attendre la fin même du Festival de Cannes, prendre un avion, repartir au Liban, et devenir leader politique de l'Armée Rouge japonaise. C'est vraiment des cinéastes qui vont devenir des terroristes, quoi. Le film d'information Armée Rouge FPLP, Déclaration de guerre mondiale, est notre langage. Film d'information égale propagande égale lutte armée. La guérilla menée par le bus révolutionnaire roule vers l'instauration d'un front mondial révolutionnaire et nous permettra d'atteindre cet objectif étape par étape. Le bus de la révolution passera bientôt près de chez toi. Qui y montera? Qui est déjà dedans? Le bus de la révolution est en route. Masao Adachi. Parce que les fils de cette histoire ne cessent de se croiser, on retrouvera le FPLP quelques années plus tard, le 13 octobre 1977, aux côtés de la fraction armée rouge allemande cette fois. Le détournement du vol Lufthansa LH-181 et son assaut final à Mogadiscio marquent la fin violente de l'automne allemand. Une série d'actions meurtrières destinées à obtenir la libération des membres de la première génération de la RAF, enfermés à la prison de Stammheim. En septembre 1977, Einsteiner, la RAF, donc c'est plus les mêmes, c'en est d'autres, puisque le groupe a suscité, j'aime pas parler de génération, mais une deuxième vague, une troisième vague, donc des militants qui se disent de la RAF, qui sont de la RAF, enlève le chef du patronat allemand, hein, l'équivalent du président du MEDEF, si vous voulez, qui s'appelle Hans-Martin Schleyer, et qui, par ailleurs, est un ancien nazi qui avait des grandes responsabilités sous le Troisième Reich. Et donc, il l'enlève et demande en échange la libération de plusieurs prisonniers de la fraction Armée Rouge du noyau historique. Andreas Bader, Gudrun Enslin, Jan Karl Raas, Piengart Müller et Ingrid Schuber. Et le gouvernement allemand ne négocie pas, refuse d'échange. Il y a énormément de perquisitions partout. Je sais que la cité universitaire de Francfort, par exemple, en pleine nuit, a été perquisitionnée. On a fait sortir tous les étudiants en petite tenue, enfin, fouiller toutes les chambres, enfin, ce genre de... Voilà, il y avait des choses massives de ce type. Et en fait, en octobre, c'est-à-dire Schleyer était déjà enlevé depuis 5 semaines, un Boeing de la Lufthansa était détourné par un petit commando palestinien qui demandait la libération de 4 camarades à eux qui étaient détenus en Turquie et des prisonniers de la RAF simultanément. Mais dans la nuit du 17 au 18 octobre, eh bien, les prisonniers de la RAF sont morts. Les autorités ont évoqué un suicide collectif. Ça a été évidemment contesté par une partie, pour le coup, de l'opinion, et notamment les familles, les avocats, les amis des détenus. Les circonstances sont troublantes parce qu'ils se seraient suicidés par balle pour ce qui est des hommes. Donc comment on a pu, dans la prison la plus surveillée du monde, leur livrer des armes en état de marche? C'est un peu compliqué. Et Gudrun Enslin s'est pendue. Ingard Müller s'est poignardée avec un couteau. Je ne sais pas combien de coups de couteau. Ingrid, ja, Moment mal. Allô, c'est moi. Quelle heure il est? Je sais pas, 10 heures. Ils sont morts. Bader, Enslin und Raspe. Bader, Enslin, Raspe. Ils se sont tués dans leur cellule. Elle s'est pendue. Bader und Raspe haben sich erschossen. Bader et Raspe se sont tués avec un revolver. La plupart des gens à l'époque sont persuadés que c'est l'État ouest-allemand qui a assassiné Alban Lefranc. Les membres de la première génération, donc notamment Bader et Enslin, Raspe aussi, et que l'État a maquillé ces assassinats en suicide. En tout cas, c'est vraiment perçu comme ça. Donc il faut quand même imaginer le degré de folie, de paranoïa qui s'empare du pays. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe de jeunes cinéastes allemands, dont Fassbinder, réalise un film, très très peu de temps après les événements, qui s'appelle L'Allemagne en automne, Deutschland im Herbst. Fassbinder, au lieu de tenir un discours sur les événements, ce qui serait parfaitement légitime, choisit vraiment d'exhiber les effets de ces événements-là sur son corps, son couple, sur son rapport avec sa mère, et filme vraiment, enregistre comme un sismographe vraiment les tremblements vraiment de ces événements, la paranoïa qui s'empare de lui, l'hystérie qui s'empare de lui, dans un geste très obscène et très et jubilatoire aussi. Donc c'est vraiment un film très très fort. C'est grotesque. Se tuer avec un revolver. Personne ne sait comment les armes étaient là. Une commission internationale doit enquêter pour décider si ce sont des suicides. Ce que je crois ou non, on s'en fout. La prison la plus sûre du monde. La loi d'interdiction des contacts. Personne ne peut entrer dans les cellules. Elles sont fouillées 2 fois par jour. Et il y avait de vrais revolvers. Imagine. Je dois rester ici. J'ai pas encore fini. Salut. La mort des militants de la première génération en Allemagne, il va y avoir l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro en Italie. C'est à ce moment-là que va un peu peut-être sonner le glas pour cette génération de militants directement issus de 68. C'est une autre génération qui va prendre le relais après. Bah moi, je pense qu'en Allemagne, de toute façon, pour le coup, en 1977, la popularité de la fraction Armée Rouge n'était pas très grande dans l'extrême gauche allemande. Il y avait ces groupes de soutien autour des bureaux d'avocats, mais c'était une frange très très réduite de l'opinion. C'était fini, ils avaient exploré une voie qui était une impasse, c'est tout. Et tout le monde en avait pris acte. Et effectivement, il y avait d'autres perspectives. Bon, il y avait le mouvement anti-nucléaire qui commençait. Il y avait pas tellement de perspectives d'ailleurs, mais enfin, les grandes mobilisations de masse reprennent dans les années 70 autour de la lutte contre les Pershing, où là, il y aurait pu d'ailleurs avoir un lien. Et la RAF, ensuite, elle continue, puisqu'il y a, il y aura d'autres actions jusque dans les années 1980. Mais c'est plus la RAF de 1972, c'est sûr. Et en Italie, bon, c'est encore autre chose. L'Italie est peu comparable avec l'Allemagne parce que c'est le mouvement italien a mobilisé des milliers de personnes. C'est pas un groupuscule, les Brigades Rouges ne sont pas un groupuscule. Et puis c'est un autre schéma de la lutte, plus intranational, enfin, et ouvriériste. Alors que la RAF, elle n'a pas de point d'ancrage dans la société allemande. Elle a une conception abstraite de la lutte anti-impérialiste, mondiale. Elle peut vivre hors sol. Voilà. Ce n'est pas le cas des Brigades Rouges, qui sont vraiment liées à la classe ouvrière italienne. En Italie comme en Allemagne, les années 70 vont être marquées par une explosion de violence sans précédent dans le pays. Peu après l'enlèvement du juge Sossi, la première grande action des Brigades Rouges contre l'État, les membres fondateurs Renato Curcio et Alberto Franceschini sont arrêtés en 1974 et laissent la place à une nouvelle génération de brigadistes. Avec l'arrestation de Franceschini et Curcio, Francesco Giorgini, et de la mort dans un conflit armé de Maracagola, donc la femme de Renato Curcio, une première page de l'histoire des Brigades Rouges se ferme. Moretti se retrouve être le seul qui a rescapé à cette vague d'arrestation. Donc il reprend la direction des Brigades Rouges complètement et lui donne une nouvelle forme. Et c'est lui qui théorise l'attaque au cœur de l'État et l'élèvement du niveau d'affrontement. Donc on passe des actions qu'on pourrait dire plus démonstratives à des actions plus mortifères. On pourrait presque visualiser, on lève le tir, c'est-à-dire qu'avant on tirait dans les jambes et après on commence à tirer dans les poitrines. Et les objectifs deviennent de plus en plus à l'intérieur de la machine de l'État. Plus politique, plus de magistrats, notamment le procureur Cocco qui avait joué un rôle non négligeable dans l'enquête sur Sossi et qui était un des hommes de pointe du parquet antiterrorisme, qui en même temps était bien content de pouvoir se servir en quelque sorte des agissements des terroristes rouges pour dire il faut mettre un tour de vis, il faut avoir des lois plus dures. Et d'ailleurs, c'est de cette époque, en 75, qu'il y a la loi réelle, c'est-à-dire une loi qui permet à la police, pendant les affrontements de rue, d'utiliser les armes à feu sans sommation et sans condition de légitime défense. Une loi qui changera beaucoup, là aussi, le rapport de force. C'est-à-dire que dans toute la période qui va de 69 à 75, il y a une montée du mouvement ouvrier, du mouvement social, mais qui fait que, par exemple, en 74, la productivité dans les usines Fiat de Mirafiori à Turin touche son minimum historique. C'est-à-dire que les ouvriers ne foutent plus rien. Ils font du théâtre, ils font des balles, ils organisent des cours de langue, la pratique des, par exemple, de l'autoréduction généralisée dans les supermarchés, dans les cinémas, dans les centrales électriques, se diffuse dans beaucoup, beaucoup de quartiers populaires dans le nord de l'Italie. Les gens qui rentrent dans les supermarchés à 40, ils font leurs courses, ils repartent, ils payent pas. Les gens qui vont au cinéma à 50, ils rentrent, ils regardent le cinéma et ils repartent. Les ouvriers de l'EDF italien qui enlève les cadenas des compteurs de l'électricité pour mettre à zéro pour les quartiers populaires. Cette pratique de contestation sociale, et de autogestion, l'autonomie ouvrière, etc., monte dans toute la période qui va de 69 à 74-75, et aussi la capacité d'affrontement de roues devient... Les policiers en prennent plein la gueule, pour la dire de façon un peu familière, parce que les organisations extra-parlementaires sont de plus en plus organisées. À cette époque, l'OTA Continua, qui sera dissous en 76, qui est vraiment une organisation de masse, a un service d'ordre de 5000 militants. 5000 militants qui font 4 entraînements par semaine en autodéfense, qui savent manier les armes blanches, qui, quand ils vont à l'affrontement avec la police, ne se barrent pas. 5000 personnes prêtes à en découdre. Donc, il y a un véritable rapport de force sociale qui s'instaure et qui devient, en quelque sorte, assez catastrophique, désolé pour ce terme, mais pour le capital. C'est-à-dire que la production baisse, les gens demandent de plus en plus de bons salaires, il y a de plus en plus de gratuité imposée, etc., etc. Face à tout ça, évidemment, ils font réponse, et une partie de la réponse sera la loi Reale, qui, en quelque sorte, rétablit l'avantage des forces de l'ordre sur les manifestants, parce que les forces de l'ordre peuvent sortir le pistolet, ils sont plus avec leur matraque face à un bar de fer qui, des fois, est bien plus dangereuse qu'une matraque. À ça, évidemment, il y a de l'autre côté une réponse, c'est-à-dire que ça enchaîne une escalade de la violence et, en quelque sorte, ça valide la stratégie militaire de Moretti qui dit, voilà, l'affrontement devient de plus en plus violent, de plus en plus militaire, donc il faut y aller, il faut taper de plus en plus fort, s'émilitariser de plus en plus et viser le corps de l'État, et notamment l'apogée de ça sera évidemment l'enlèvement d'Aldo Moro, et ça changera le parcours des Brigades Rouges, qui deviendront de plus en plus en partie armées et de moins en moins un mouvement révolutionnaire. Anche quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per Maracagol. Erano rossi, erano rose rosse. E le ha lasciate lì solo per ricordare che non bisogna più che il sangue scorra in vano. Che quest'anno qualcuno ha portato dei fiori per te. Barbara Baltierani, vous avez été membre des Brigades Rouges, vous êtes aujourd'hui auteur. Quel a été votre rôle dans cette organisation? Abbastanza presto messa in una condizione di direzione. Assez tôt, j'ai eu un rôle de direction au milieu de l'organisation. Même au temps où encore je n'étais pas en clandestinité, donc je pouvais avoir mes documents, ma voiture, etc. J'ai fait des actions clandestines et j'avais un rôle dans la direction de l'organisation. A livello di direzione. Le Brigate Rosse erano organizzate in maniera gerarchica, come ovvio per una. Le Brigate Rouge, come c'è normale per un'organizzazione di questo genere, erano organizzate in maniera gerarchica. Primo livello di direzione era la direzione di colonna. Il primo livello di organizzazione era quello della colonna. L'esistenza organizzativa dell'organizzazione in una città. C'est-à-dire, dans une ville, la colonne dirigeait les différentes brigades. Alla sommità della Au sommet della hiérarchie, il y avait la direzione strategica. La direzione strategica era praticamente. La direzione strategica était, d'une certaine manière, notre parlement. Dove si decideva la. On décidait les lignes de l'organisation. Je me racle la gorge et le cœur battant, je commence à attendre. Je sais déjà que tant que tout n'aura pas commencé, je n'arriverai pas à maîtriser complètement mes nerfs. Passeront-ils par ici? La manœuvre retenue pour les bloquer fonctionnera-t-elle? Et tout le reste? Nous y sommes. Je vois notre voiture descendre la Via Fani avec les deux autres derrière elle. Je me prépare à me poster au milieu du carrefour et au premier tir, je sors mon arme. Je dois bloquer le flot de voitures afin de laisser la route libre pour notre fuite et empêcher toute intervention indésirable. Je regarde dans une autre direction. Je ne vois donc pas ce qui se passe à quelques pas de moi. Mais ce que j'entends est suffisant pour que je l'imagine. Non, ce n'est pas suffisant. Le temps est suspendu. Impossible à évaluer. Seul élément dynamique dans l'immobilité figée de ce moment, le bruit assourdissant des armes. Je ne m'habituerai jamais à l'étrangeté de leur déplaisant timbre mécanique. Comme s'ils me surprenaient à chaque fois. Bien sûr, c'est la politique qui guide le fusil. Mais coup après coup, j'y laisse un morceau de moi-même. C'est fait. On est tous là? Tous. Avec un plus, notre prisonnier. Je le revois pendant un instant, quand les autres le chargent dans une fourgonnette. Moi, je prends une autre direction. Barbara Balzerani. Allô, allô, Selva, tu m'entends? Moro a été enlevé. La scène à laquelle je viens d'assister est impressionnante. Il y a 4 ou 5 morts. Appelez la police. La linea politica delle Brigate Rosse in quel periodo era si basava su un'analisi. La linea politica delle Brigate Rouge a ce moment-là se basait sur une analyse du pouvoir che nous avons défini un état impérialiste des multinationales. C'est-à-dire, on dépassait les états-nations avec la construction d'un personnel politique pour la construction d'un impérialisme global. La Democrazia Cristiana era da 40 anni il partito potere, il partito Stato in Italia. E Moro era il Pourquoi Aldo Moro? Parce que la démocratie chrétienne était le parti au pouvoir en Italie et Aldo Moro était l'homme qui garantissait son pouvoir. Con il passaggio, il avait fait d'abord une alliance avec le Parti Socialiste et maintenant il se préparait à faire l'alliance avec le Parti Communiste qui était devenu très fort. Donc il ne pouvait pas l'ignorer et finalement, dans tout ce jeu, le Parti Communiste jouait le rôle du servant idiot qui garantissait le pouvoir de la démocratie chrétienne. Il y a un élément fondamental pour comprendre l'évolution des Brigades Rouges et puis surtout l'enlèvement d'Aldo Moro en 78, c'est le compromis historique. Le compromis historique, c'est l'hypothèse politique formulée par Aldo Moro, qui est le représentant de la gauche de la démocratie chrétienne. Avec l'arrivée de Berlinguer, le Parti communiste prend une direction encore plus, en quelque sorte, à l'époque, on disait réformiste, voire révisionniste, mais réformiste, prêt à sortir de l'orbite de Moscou, prêt à faire un compromis avec la démocratie chrétienne d'Aldo Moro, Aldo Moro qui considère qu'il faut ouvrir l'espace de gouvernement au Parti communiste qui représente un gros tiers de l'électorat parce que c'est le plus gros parti communiste d'Occident et à chaque fois il fait 30% de voix. Donc, cette hypothèse d'un compromis historique est évidemment un cauchemar pour tous les atlantistes, disons pour tous les faucons de la guerre froide en Occident, parce qu'évidemment, faire rentrer un parti communiste au gouvernement, ça s'est jamais vu en Occident. Mais c'est aussi un cauchemar pour Moscou, parce que ça rompt en quelque sorte la pureté du projet révolutionnaire. Ça montre que le communisme et la démocratie bourgeoise peuvent faire bon ménage et ça sort de facto politiquement le Parti communiste italien qui est donc un instrument stratégique fondamental dans la guerre froide pour l'Union soviétique de l'orbite de Moscou, parce que l'eurocommunisme n'est plus le communisme de la troisième internationale moscovite. Donc évidemment le compromis historique embête beaucoup de monde, pas que d'un côté ou de l'autre. Et l'architecte de ça étant Aldo Moro, le fait qu'Aldo Moro, à la fin des courses, se retrouve mort, arrangera beaucoup de monde, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, tous ceux qui considèrent que la guerre froide va bien comme elle est et qu'il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons. Les serviettes et les torchons ? Voilà. Con il linguaggio agghiacciante, il comunicato sur un ton effrayant, le communiqué numéro 6 des Brigades Rouges affirme que si le gouvernement refuse de libérer les 13 prisonniers communistes, la sentence contre Aldo Moro sera exécutée. J'allais chercher du sable sur le bord de mer. Il devait servir à brouiller les pistes quand il serait découvert sur le corps sans vie du prisonnier. Sur le trajet qui nous amenait vers la plage la plus proche, je me comportais comme une automate. Qu'étais-je en train de faire ? Ah oui ! Sous les chaussures et dans les revers du pantalon. L'estomac bloqué et l'envie d'être n'importe où sauf ici. Désormais, seul un miracle. Un revirement de dernière heure, des responsables du Parti démocrate chrétien pouvaient nous amener à modifier notre décision. Et j'aurais voulu savoir prier, à ma façon, pour que cela se produise. Rien n'advient. GR1 Flash, una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti. Une nouvelle dramatique s'est répandue à travers Rome, dans les ministères, au siège des partis politiques et des forces de l'ordre. Nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di On a retrouvé le corps sans vie d'un homme dans le centre-ville. Può essere il corpo di Aldo Moro. Il pourrait s'agir du corps d'Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe trovato, la vittima était dans un sac, ripeto, al centro à l'intérieur d'une voiture Caetani, garée dans Via Caetani. Je répète, Via Caetani, près de Piazza Argentina, à mi-chemin entre le siège de la démocratie chrétienne et celui du Parti communiste italien. Pendant ces 50 jours, fût-ce avec des objectifs différents, Aldo Moro avait lui aussi combattu le mur de l'Omerta érigé par ses amis et ses alliés. Plus encore que la nôtre, une défaite aurait été la sienne. Et c'est ce qui est arrivé. Barbara Balzerani. Ah non, ecco, è arrivata la conferma. Questa tragica conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di Via delle Botteghe Oscure in una R4 rossa. Le chef de cette phase de Brigade Rouge sera Moretti jusqu'à l'enlèvement d'Aldo Moro. Et à la suite de Moretti, en quelque sorte, les Morettiani seront représentés notamment par Barbara Balzerani, qui sera la première chef militaire femme des Brigades Rouges. Un chef militaire d'ailleurs reconnu comme particulièrement violente. On lui avait donné même des sobriquets assez gênants, que je ne reporterai pas, mais qui continuera cette ligne d'affrontement contre le corps de l'État militaire, et elle sera notamment à l'origine de l'assassinat du général Dozier, un général de l'OTAN. Et comment dire, à quelque part, ce n'est pas anodin qu'une des dernières actions d'éclat des Brigades Rouges soit contre un général de l'OTAN, parce que ça nous ramène une fois de plus au fait que les Brigades Rouges sont une page de la guerre froide. Elles sont une page dans ce qu'on appelait à l'époque le grand jeu, si vous voulez. Après 68, la révolution n'est pas un dîner de gala, fin de la troisième partie. Avec Makoto Asali, Michael Prasant, Anne Steiner, Alban Lefranc, Francesco Giorgini et Barbara Balzerani. Extrait des films « Allemagne en automne » de Rainer Werner Fassbinder, « Une jeunesse allemande » de Jean-Gabriel Périot et « Armée rouge, FPLP, déclaration de guerre mondiale » de Masao Adachi. Extrait des livres « Le bus de la révolution passera bientôt près de chez toi » de Masao Adachi et « Camarade lune » de Barbara Balzerani. Doublage et traduction « Kajita Yasuyo » et « Mariolina Venezia ». Lecture « Olivier Martineau » Francesca Fossati, doublage Olivier Martineau, Margaret Zenou et Samuel Glomé. Prise de son Georges Thau, réalisation Christine Robert, mixage Julien Douminc, coordination Perrine Carvran et Marivonne Abolivier. Un documentaire de Christelle Lepolotec pour LSD, la série documentaire. À demain pour la dernière partie. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avant le baccalauréat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Meji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank qui propose une sélection éclectique, rare et pointue, idéale pour le confinement, de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, Yankees Go Home, la haine des États-Unis. Mais en attendant, restez chez vous et restez à l'écoute.